Une heure de mix 100% rail. Rail suprême. C'est seulement sur Skyrock. Rail suprême comme chaque dimanche soir sur Skyrock avec DJ Kaze. Comment ça va, Kaze? Tout va bien. Ça va. Mais t'es pas en face de moi? Ah non, pas ce soir. Où es-tu, Kaze? Alors là, je suis en Allemagne à Francfort. Ce soir, il y a un show au Club 101, donc ce qui fait que quand même on n'oublie pas Rail Suprême. Ouais. Et qu'on direct live de la chambre d'hôtel. Ouais, ça. Direct live de Francfort, c'est... avec des saucisses de Francfort. Ça va être dingue, en fait. T'es dans ta chambre d'hôtel. C'est ça. Donc posé, mais t'as quand même ramené tes deux platines, évidemment, tous les sons de Rail Suprême. Et ici, il y a du très bon wifi, très allemand. Ouais, bah je sens ça. Vu les essais qu'on a fait juste avant, je pense que ça va défoncer là. Donc une grosse demi-heure mixée par DJ. Exactement. Qu'est-ce que t'as prévu, des classiques? Alors là, on va commencer avec le nouveau titre de La Fouine et Reda Taleni va Bene, qui terrible. Cartonne déjà à l'antenne. Et puis un gros mix avec du Kabyle, algérien, marocain, des gros classiques. Et voilà, on va enchaîner. Bon, bah en direct de Francfort. DJ Kaze, envoyez-nous ça, c'est parti. Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Kaze. Salut la famille, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. On est trop à souffrir, mais ma soeur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a endurcis, promenade numéro d'écrou. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut, là-haut. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et plus l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le riff. Qui peut me stopper, pas leur vin de l'orif. Tu t'es en bourgeoisie, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. Passé en bolide, 20 ans plus tard j'aurai une baraque en Floride. Longue épopée de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. Je suis resté le même en première ou en écho. Appel d'amico, ma cellule a besoin de déco. C'est Tony Montana, featuring Manny, Casa, Fuini, Alger, Taliani. Pareil, ils sont toujours en bande. Dans la poche, le grand arrêt. Poursuite entamée, ça tombe sur la bande d'arrêt. J'suis snouné, j'ai du mal à dire mi amor. Dure dans le game, j'arrive, ils ont la mort. Ici, c'est le 13, poto, j'arrive qu'à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigandés. Chicha, papicha, allume le bon chat. Un peu de weed dans un bon cas. Que du V12, que du gros chat. On veut du gros cash, la tête camouflée. Sous une écharpe, sur le boulevard. En marche arrière, en gros BM. Au-dessus des lois, au-dessus du game. On passe et parle pour moi. La sphère du cambouis sur les mains, je viens préparer une courroie. Baby, habibi, j'ai les idées en place, parfois je dérape.

DJ Case en direct, ça passe bien en direct de Francfort, oui, franchement. Oui. Ah, connexion direct. Je m'attendais à un son par téléphone pendant une heure, mais non, à part la voix. À part la voix, sinon la liaison pour les platines est au top. Hein. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Bon, Case, t'es alors Francfort ce soir, mais cette semaine, c'est une semaine chargée ou Oui, vendredi et samedi. Alors vendredi, je suis à Strasbourg, donc c'est au VIP Club, donc c'est pas très loin de l'Allemagne. Et le samedi, le lendemain, donc je suis à Annemasse, près de la frontière suisse, au Ace Club. Donc voilà, venez nombreux. Et ben, venez nombreux soutenir DJ Case, de DJ international. Exactement. Il y a les voisins un petit peu qui se plaignent un peu du bruit, mais ils disent ya, nine. Tu comprends l'allemand, quoi? Oui, j'aime le rail. Et ben ça tombe bien, c'est reparti dans un instant pour au moins une trentaine de minutes de mix par DJ Case. On se met l'indémodable 1, 2, 3 soleil tout de suite. Parfait, à tout de suite. À tout de suite. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1h de mix de folie. J'ai des migraines, c'est compliqué, je me sens si seul à la récré. Je défavorisé, rusé qui va se mettre à tisser. Que l'état a traumatisé, très tôt déscolarisé. Pas besoin de parler, racisme attisé, je vois que ton mien. Tchaloc, donné, on vous avait trop blessé les miens. Non franchement là c'est pas net, ils insultent un mec. Nous jugent sans nous connaître, nous pousser oblige à commettre. Des trucs qu'on a jamais voulu faire, on fait de la peine à nos parents. Pourtant nos pères ont souffert, leur mal était ta parent. Les yeux de nos mères sont ridés, je sais pas comment faire pour l'aider. Pour ma cause personne veut plaider, pourtant ici j'en connais plus d'un. Les yeux de nos mères sont ridés, je sais pas comment faire pour l'aider. Pour ma cause personne veut plaider, mais ici j'en connais plus d'un. Hey, yo. Allez,

team, ta dream team. Les mecs fument, qui partagerait leur dernier centime. Amitié, oseille, ça colle pas. Une bise à ton binôme, ton bras droit, c'est ça mec croire, Roya. Qu'est-ce que tu prêt à faire pour moi? Ça mec au bras, créer du direct, tirer sur moi. Ton témoin à ton mariage, avec qui tu voyages, tu partages les pires et les bons moments. En mode France, va au pays, descends le Raptor, le jet ski, L6, 45, CI 9-4. Ça fait du bien de te sentir bien accueilli à ta sortie du ferry. Sur des youyou hystériques, tu on ma thune, je repère ceux qui grattent. Et même qui s'évapore comme un nuage quand ça se gâte. Rap pour mes hâtes, mes amis de longue date. Faut que je pique ma lâche, je vous mette bien sur un séjour inoubliable. يا ما تقولوليش تسهر

تواثي دويني النوم دوقتنس حنا ثاذي يقوي ذروم ثروة غاتل التلوي ذاقلوم أما زلان مثاذ يمد ومشوم حسن تواثي دويني النوم دوقتنس حنا ثاذي يقوي ذروم ثروة غاتل التلوي ذاقلوم Et c'est déjà la fin de ce rail suprême assez exceptionnel puisque c'est un rail suprême en direct d'Allemagne. Je m'attendais à tout sauf à ça. On est connecté. Bon, merci Case d'avoir été avec nous. On rappelle quelques dates importantes cette semaine, les mix. Alors ouais, cette semaine, vendredi, je me retrouve à Strasbourg, donc au Club VIP. Et le samedi à Annemasse, donc au 8 Club. C'est le week-end prochain. Je vous souhaite à tous une super semaine. Merci de nous avoir écoutés en direct de Francfort. Merci à toi Case. C'est bon, les voisins peuvent se coucher tranquille. Et moi là, je peux aller pour retourner ma soirée. Et toi, tu peux aller mixer. Merci Case. Allez, go. Ciao, ciao, merci à vous tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, bonne reprise à ceux qui reprennent les cours ou fin de vacances pour vous dès demain ou tout à l'heure. Le son de Rail Suprême revient dans pile poil une semaine. Ce sera avec DJ Case, normalement en chair, en os et en voix. On saura ça dimanche prochain entre minuit et une heure du mat. Ciao, bonne soirée à tout le monde.